de l'abus du gouvernement et de sa pente à dégénérer. Le cas de la dissolution de l'État peut arriver de deux manières. Premièrement, quand le prince n'administre plus l'État selon les lois et qu'il usurpe le pouvoir souverain, en substituant sa propre volonté à la volonté générale qu'il devait suivre. Quand l'État se dissout, l'abus du gouvernement, quel qu'il soit, prend le nom commun d'anarchie. L'aristocratie devient l'oligarchie et la royauté dégénère en tyrannie. Tyran et usurpateur sont deux mots parfaitement synonymes. J'appelle tyran l'usurpateur de l'autorité royale et despote l'usurpateur du pouvoir souverain.